Ces tribus et ces dèmes ressemblèrent en apparence aux anciennes tribus et aux gentes. Dans chacune de ces circonscriptions, il y eut un culte, un prêtre, un juge, des réunions pour les cérémonies religieuses, des assemblées pour délibérer sur les intérêts communs. Mais les groupes nouveaux différèrent des anciens en deux points essentiels. D'abord, tous les hommes libres d'Athènes, même ceux qui n'avaient pas fait partie des anciennes tribus et des gentes, furent répartis dans les cadres formés par Sclisthène. Grande réforme qui donnait un culte à ceux qui en manquaient encore, et qui faisait entrer dans une association religieuse ceux qui auparavant étaient exclus de toute association. En second lieu, les hommes furent distribués dans les tribus et dans l'édème, non plus d'après leur naissance comme autrefois, mais d'après leur domicile. La naissance n'y compta pour rien. Les hommes y furent égaux, et l'on n'y connut plus de privilèges. Le culte pour la célébration duquel la nouvelle tribu ou l'édème se réunissait n'était plus le culte héréditaire d'une ancienne famille. On ne s'assemblait plus autour du foyer d'un eupatride. Ce n'était plus un ancien eupatride que la tribu ou l'œdème vénérait comme ancêtre divin. Les tribus eurent de nouveau héros éponymes, choisis parmi les personnages antiques, dont le peuple avait conservé bon souvenir. Et quant aux dèmes, ils adoptèrent uniformément pour dieu protecteur Zeus, gardien de l'enceinte, et Apollon paternel. Dès lors, il n'y avait plus de raison pour que le sacerdoce fût héréditaire dans l'œdème, comme il l'avait été dans l'agent. Il n'y en avait non plus aucune pour que le prêtre fût toujours un eupatride. Dans les nouveaux groupes, la dignité de prêtre et de chef fut annuelle, et chaque membre put l'exercer à son tour. Cette réforme fut ce qui acheva de renverser l'aristocratie des eupatrides. À dater de ce moment, il n'y eut plus de caste religieuse, plus de privilèges de naissance, ni en religion, ni en politique. La société athénienne était entièrement transformée. Les fratries anciennes et les grecs gainae ne furent pas supprimés. Ils subsistèrent au contraire jusqu'à la fin de l'histoire grecque, mais ils ne firent plus que des cadres religieux sans aucune valeur en politique. Or, la suppression des vieilles tribus, remplacées par des tribus nouvelles, où tous les hommes avaient accès et étaient égaux, n'est pas un fait particulier à l'histoire d'Athènes. Le même changement a été opéré à Cyrène, à Sicyone, à Élis, à Sparte et probablement dans beaucoup d'autres cités grecques. De tous les moyens propres à affaiblir l'ancienne aristocratie, Aristote n'en voyait pas de plus efficace que celui-là. « Si l'on veut fonder la démocratie, dit-il, on fera ce que fit Clisthène chez les Athéniens. On établira de nouvelles tribus et de nouvelles fratries. Au sacrifice héréditaire des familles, on substituera des sacrifices où tous les hommes seront admis. On confondra autant que possible les relations des hommes entre eux, en ayant soin de briser toutes les associations antérieures. Lorsque cette réforme est accomplie dans toutes les cités, on peut dire que l'ancien moule de la société est brisé et qu'il se forme un nouveau corps social. Ce changement dans les cadres que l'ancienne religion héréditaire avait établi et qu'elle déclarait immuable marque la fin du régime religieux de la cité. Troisièmement, histoire de cette révolution à Rome. La plèbe eut de bonne heure à Rome une grande importance. La situation de la ville entre les Latins, les Sabins et les Étrusques la condamnait à une guerre perpétuelle, et la guerre exigeait qu'elle eût une population nombreuse. Aussi les rois avaient-ils accueilli et appelé tous les étrangers sans avoir égard à leur origine. Les guerres se succédaient sans cesse, et comme on avait besoin d'hommes, le résultat le plus ordinaire de chaque victoire était qu'on enlevait à la ville vaincue sa population pour la transférer à Rome. Que devenaient ces hommes ainsi amenés avec le butin? S'il se trouvait parmi eux des familles sacerdotales et patriciennes, le patriciat s'empressait de se les adjoindre. Quant à la foule, une partie extrait dans la clientèle des grands ou du roi, une partie était reléguée dans la plèbe. D'autres éléments encore entraient dans la composition de cette classe. Beaucoup d'étrangers affluaient à Rome, comme en un lieu que sa situation rendait propre au commerce. Les mécontents de la Sabine, de l'Étrurie, du Latium y trouvaient un refuge. Tout cela entrait dans la plèbe. Le client qui réussissait à s'échapper de l'agent devenait un plébéien. Le patricien qui se mésalliait, ou qui commettait une de ces fautes qui entraînaient la déchéance, tombait dans la classe inférieure. Tout bâtard était repoussé par la religion des familles pures et relégué dans la plèbe. Pour toutes ces raisons, la plèbe augmentait en nombre. La lutte qui était engagée entre les patriciens et les rois accrut son importance. La royauté et la plèbe sentirent de bonne heure qu'elles avaient les mêmes ennemis. L'ambition des rois était de se dégager des vieux principes de gouvernement qui entravaient l'exercice de leur pouvoir. L'ambition de la plèbe était de briser les vieilles barrières qui l'excluaient de l'association religieuse et politique. Une alliance tacite s'établit. Les rois protégèrent la plèbe et la plèbe soutint les rois. Les traditions et les témoignages de l'Antiquité placent sous le règne de Servius les grands progrès des plébéiens. La haine que les patriciens conservèrent pour ce roi montre suffisamment quelle était sa politique. Sa première réforme fut de donner des terres à la plèbe, non pas, il est vrai, sur la guerre Romanus, mais sur les territoires pris à l'ennemi. Ce n'était pas moins une innovation grave que de conférer ainsi le droit de propriété sur le sol à des familles qui jusqu'alors n'avaient pu cultiver que le sol d'autrui. Déjà les rois précédents avaient partagé les terres prises à l'ennemi, mais il n'est pas sûr qu'ils aient admis la plèbe au partage. Ce qui fut plus grave encore, c'est qu'il publia des lois pour la plèbe, qui n'en avait jamais eu auparavant. Ces lois étaient relatives pour la plupart aux obligations que le plébéien pouvait contracter avec le patricien. C'était un commencement de droit commun entre les deux ordres, et pour la plèbe, un commencement d'égalité. Puis ce même roi établit une division nouvelle dans la cité. Sans détruire les trois anciennes tribus ou les familles patriciennes, et les clients étaient répartis d'après la naissance. Il forma quatre tribus nouvelles où la population tout entière était distribuée d'après le domicile. Nous en avons vu cette réforme à Athènes, et nous en avons vu les effets. Ils furent les mêmes à Rome. La plèbe, qui n'entrait pas dans les anciennes tribus, fut admise dans les tribus nouvelles. Cette multitude, jusque-là flottante, espèce de population nomade, qui n'avait aucun lien avec la cité, eut désormais ses divisions fixes et son organisation régulière. La formation de ces tribus, où les deux ordres étaient mêlés, marque véritablement l'entrée de la plèbe dans la cité. Chaque tribu eut un foyer et des sacrifices. Servius établit des dieux lares dans chaque carrefour de la ville, dans chaque circonscription de la campagne. Ils servirent de divinités à ceux qui n'en avaient pas de naissance. Le plébéien célébra les fêtes religieuses de son quartier et de son bourg, comme le patricien célébrait les sacrifices de sa gens et de sa curie. Le plébéien eut une religion. En même temps, un grand changement fut opéré dans la cérémonie sacrée de la lustration. Le peuple ne fut plus rangé par curie, à l'exclusion de ceux que les curies n'admettaient pas. Tous les habitants libres de Rome, tous ceux qui faisaient partie des tribus nouvelles, figurèrent dans l'acte sacré. Pour la première fois, tous les hommes, sans distinction de patriciens, de clients, de plébéiens, furent réunis. Le roi fit le tour de cette assemblée mêlée, en poussant devant lui les victimes et en chantant l'hymne solennel. La cérémonie achevée, tous se trouvèrent également citoyens. Avant Servius, on ne distinguait à Rome que deux sortes d'hommes. La caste sacerdotale des patriciens avec leurs clients et la classe plébéienne. On ne connaissait nulle autre distinction que celle que la religion héréditaire avait établie. Servius marqua une division nouvelle, celle qui avait pour principe la richesse. Il partagea les habitants de Rome en deux grandes catégories. Dans l'une étaient ceux qui possédaient quelque chose, dans l'autre ceux qui n'avaient rien. La première se divisa elle-même en cinq classes, dans lesquelles les hommes furent répartis suivant le chiffre de leur fortune. Les historiens modernes comptent ordinairement six classes, il n'y en a en réalité que cinq. Les chevaliers d'une part, de l'autre les prolétaires, étaient en dehors des classes. Notons d'ailleurs que le mot « classis » n'avait pas dans l'ancienne langue un sens analogue à celui de notre mot « classe ». Il signifiait « corps de troupe ». Cela marque que la division établie par Servius fut plutôt militaire que politique. Servius introduisait par là un principe tout nouveau dans la société romaine. La richesse marqua désormais des rangs, comme avait fait la religion. Servius appliqua cette division de la population romaine au service militaire. Avant lui, si les plébéiens combattaient, ce n'était pas dans les rangs de la Légion. Mais comme Servius avait fait d'eux des propriétaires et des citoyens, il pouvait aussi en faire des légionnaires. Dorénavant, l'armée ne fut plus composée uniquement des hommes d'écurie. Tous les hommes libres, tous ceux du moins qui possédaient quelque chose, en firent partie, et les prolétaires seuls continuèrent à en être exclus. Ce ne fut plus le rang de patricien ou de client qui détermina l'armure de chaque soldat et son poste de bataille. L'armée était divisée par classe, exactement comme la population, d'après la richesse. La première classe qui avait l'armure complète et les deux suivantes qui avaient au moins le bouclier, le casque et l'épée formèrent les trois premières lignes de la légion. La quatrième et la cinquième, légèrement armées, composèrent les corps de vélites et de frondeurs. Chaque classe se partageait en compagnies, que l'on appelait centuries. La première en comprenait, dit-on, 80, les quatre autres 20 ou 30 chacune. La cavalerie était à part, et en ce point encore Servius fit une grande innovation. Tandis que jusque-là les jeunes patriciens composaient seuls les centuries de cavaliers, Servius admit un certain nombre de plébéiens, choisis parmi les plus riches à combattre à cheval, et il en forma 12 centuries nouvelles. Or, on ne pouvait guère toucher à l'armée sans toucher en même temps à la constitution politique. Les plébéiens sentirent que leur valeur dans l'État s'était accrue. Ils avaient des armes, une discipline, des chefs. Chaque centurie avait son centurion et une enseigne sacrée. Cette organisation militaire était permanente. La paix ne la dissolvait pas. Il est vrai qu'au retour d'une campagne, les soldats quittaient leur rang, la loi leur défendant d'entrer dans la ville en corps de troupes. Mais ensuite, au premier signal, les citoyens se rendaient en armes au champ de Mars, où chacun retrouvait sa centurie, son centurion et son drapeau. Or il arriva, 25 ans après Servius Tullius, qu'on eut la pensée de convoquer l'armée, sans que ce fût pour une expédition militaire. L'armée s'étant réunie et ayant pris ses rangs, chaque centurie ayant son centurion à sa tête et son drapeau au milieu d'elle, le magistrat parla, consulta, fit voter. Les 6 centuries patriciennes et les 12 cavaliers plébéiens votèrent d'abord, après elles les centuries d'infanterie de première classe et les autres à la suite. Ainsi se trouva établie au bout de peu de temps l'assemblée centuriate, où quiconque était soldat avait droit de suffrage, et où l'on ne distinguait presque plus le plébéien du patricien. Il nous paraît incontestable que les comices par centurie n'étaient pas autre chose que la réunion de l'armée romaine. Ce qui le prouve, c'est premièrement que cette assemblée est souvent appelée l'armée par les écrivains latins, Urbanus Exercitus. Deuxièmement, que ces comices étaient convoqués exactement comme l'armée quand elle entrait en campagne, c'est-à-dire au son de la trompette. 2 étendards flottant sur la citadelle, l'un rouge pour appeler l'infanterie, l'autre vert foncé pour la cavalerie. Troisièmement, que ces comices se tenaient toujours au champ de Mars, parce que l'armée ne pouvait pas se réunir dans l'intérieur de la ville. Quatrièmement, que chacun s'y rendait en armes. Cinquièmement, que l'on y était distribué par centurie, l'infanterie d'un côté, la cavalerie de l'autre. Sixièmement, que chaque centurie avait à sa tête son centurion et son enseigne. Septièmement, que les sexagénaires ne faisaient pas partie de l'armée, n'avaient pas non plus le droit de voter dans ces comices. Ajoutons que dans l'ancienne langue, le mot classis signifiait corps de troupes, et que le mot centuria désignait une compagnie militaire. Les prolétaires ne paraissaient pas d'abord dans cette assemblée. Pourtant, comme il était d'usage qu'ils formassent dans l'armée une centurie employée aux travaux, ils purent aussi former une centurie dans ces comices. Toutes ces réformes changeaient singulièrement la face de la cité romaine. Le patriciat restait debout, avec ses cultes héréditaires, ses curies, son sénat. Mais les plébéiens acquéraient l'habitude de l'indépendance, la richesse, les armes, la religion. La plèbe ne se confondait pas avec le patriciat, mais elle grandissait à côté de lui. Il est vrai que le patriciat prit sa revanche. Il commença par égorger Servius. Plus tard, il chassa Tarquin. Avec la royauté, la plèbe fut vaincue. Les patriciens s'efforcèrent de lui reprendre toutes les conquêtes qu'elle avait faites sous les rois. Un de leurs premiers actes fut d'enlever aux plébéiens les terres que Servius leur avait données. Et l'on peut remarquer que le seul motif allégué pour les dépouiller ainsi fut qu'ils étaient plébéiens. Le patriciat remettait donc en vigueur le vieux principe qui voulait que la religion héréditaire fondât seule le droit de propriété. et qui ne permettait pas que l'homme sans religion et sans ancêtre pût exercer aucun droit sur le sol. Les lois que Servius avait faites pour la plèbe lui furent aussi retirées. Si le système des classes et l'assemblée centuriate ne furent pas abolis, c'est d'abord parce que l'état de guerre ne permettait pas de désorganiser l'armée. C'est ensuite parce que l'on sut entourer ses comices de formalités telles que le patriciat fut toujours le maître des élections. On n'osa pas enlever aux plébéiens le titre de citoyen. On les laissa figurer dans le sens. Mais il est clair que le patriciat, en permettant à la plèbe de faire partie de la cité, ne partagea pas avec elle ni les droits politiques, ni la religion, ni les lois. De nom, la plèbe resta dans la cité. De fait, elle en fut exclue. N'accusons pas plus que de raison les patriciens, et ne supposons pas qu'ils aient froidement conçu le dessein d'opprimer et d'écraser la plèbe. Le patricien, qui descendait d'une famille sacrée et se sentait l'héritier d'un culte, ne comprenait pas d'autre régime social que celui dont l'antique religion avait tracé les règles. À ses yeux, l'élément constitutif de toute société était l'agent, avec son culte, son chef héréditaire, sa clientèle. Pour lui, la cité ne pouvait pas être autre chose que la réunion des chefs, des gentes. Il n'entrait pas dans son esprit qu'il pût y avoir un autre système politique que celui qui reposait sur le culte, d'autres magistrats que ceux qui accomplissaient les sacrifices publics, d'autres lois que celles dont la religion avait dicté les saintes formules. Il ne fallait même pas lui objecter que les plébéiens avaient aussi depuis peu une religion et qu'ils faisaient des sacrifices au lard des carrefours. Car il eut répondu que ce culte n'avait pas le caractère essentiel de la véritable religion, qu'il n'était pas héréditaire, que ses foyers n'étaient pas des feux antiques, que ses dieux, l'art, n'étaient pas de vrais ancêtres. Il eut ajouté que les plébéiens, en se donnant un culte, avaient fait ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire, que pour s'en donner un, ils avaient violé tous les principes, qu'ils n'avaient pris que les dehors du culte, et en avaient retranché le principe essentiel qui était l'hérédité. Qu'enfin leur simulacre de religion était absolument l'opposé de la religion. Dès que le patricien s'obstinait à penser que la religion héréditaire devait seule gouverner les hommes, il en résultait qu'il ne voyait pas de gouvernement possible pour la plèbe. Il ne concevait pas que le pouvoir social pût s'exercer régulièrement sur cette classe d'hommes. La loi sainte ne pouvait pas leur être appliquée. La justice était un terrain sacré qui leur était interdit. Tant qu'il y avait eu des rois, ils avaient pris sur eux de régir la plèbe, et ils l'avaient fait d'après certaines règles, qui n'avaient rien de commun avec l'ancienne religion, et que le besoin ou l'intérêt public avait fait trouver. Mais par la révolution qui avait chassé les rois, la religion avait repris l'empire, et il était arrivé, forcément, que toute la classe plébéienne avait été rejetée en dehors des lois sociales. Le patriciat s'était fait alors un gouvernement conforme à ses propres principes, mais il ne songeait pas à en établir un pour la plèbe. Il n'avait pas la hardiesse de la chasser de Rome, mais il ne trouvait pas non plus le moyen de la constituer en société régulière. On voyait ainsi au milieu de Rome des milliers de familles pour lesquelles il n'existait pas de loi fixe, pas d'ordre social, pas de magistrature. La cité, le populus, c'est-à-dire la société patricienne, avec les clients qui lui étaient restés, s'élevait puissante, organisée, majestueuse. Autour d'elle vivait la multitude plébéienne, qui n'était pas un peuple et ne formait pas un corps. Les consuls, chefs de la cité patricienne, maintenaient l'ordre matériel dans cette population confuse. Les plébéiens obéissaient. Faibles généralement, pauvres, ils pliaient sous la force du corps patricien. Le problème, dont la solution devait décider de l'avenir de Rome, était celui-ci. Comment la plèbe deviendrait-elle une société régulière? Or, le patriciat, dominé par les principes rigoureux de sa religion, ne voyait qu'un moyen de résoudre ce problème, et c'était de faire entrer la plèbe par la clientèle dans les cadres sacrés des gentes. Il paraît qu'une tentative fut faite en ce sens. La question des dettes qui agita Rome à cette époque ne peut s'expliquer que si l'on voit en elle la question plus grave de la clientèle et du servage. La plèbe romaine, dépouillée de ses terres, ne pouvait plus vivre. Les patriciens calculèrent que par le sacrifice de quelque argent, ils la feraient tomber dans leurs liens. L'homme de la plèbe emprunta. En empruntant, il se donnait au créancier, se vendait à lui. C'était si bien une vente que cela se faisait par aes ed librem, c'est-à-dire avec la formalité solennelle que l'on employait d'ordinaire pour conférer à un homme le droit de propriété sur un objet. Il est vrai que le plébéien prenait ses sûretés contre la servitude, par une sorte de contrat fiduciaire. Il stipulait qu'il garderait son rang d'homme libre jusqu'au jour de l'échéance, et que ce jour-là, il reprendrait pleine possession de lui-même en remboursant la dette. Mais ce jour venu, si la dette n'était pas éteinte, le plébéien perdait le bénéfice de son contrat. Il tombait à la discrétion du créancier, qui l'emmenait dans sa maison et en faisait son client et son serviteur. En tout cela, le patricien ne croyait pas faire acte d'inhumanité, l'idéal de la société étant à ses yeux le régime de l'agent. Il ne voyait rien de plus légitime et de plus beau que d'y ramener les hommes, par quelque moyen que ce fût. Si son plan avait réussi, la plèbe eût en peu de temps disparu, et la société romaine n'eût été que l'association des gentes patriciennes se partageant la foule des clients. Mais cette clientèle était une chaîne dont le plébéien avait horreur. Il se débattait contre le patricien qui, armé de sa créance, voulait l'y faire tomber. La clientèle était pour lui l'équivalent de l'esclavage. La maison du patricien était à ses yeux une prison. Maintes fois, le plébéien, saisi par la main patricienne, implora l'appui de ses semblables et ameuta la plèbe, s'écriant qu'il était homme libre et montrant en témoignage les blessures qu'il avait reçues dans les combats pour la défense de Rome. Le calcul des patriciens ne servit qu'à irriter la plèbe. Elle vit le danger. Elle aspira de toute son énergie à sortir de cet état précaire où la chute du gouvernement royal l'avait placée. Elle voulut avoir des lois et des droits. Mais il ne paraît pas que ces hommes aient d'abord souhaité d'entrer en partage des lois et des droits des patriciens. Peut-être croyaient-ils, comme les patriciens eux-mêmes, qu'il ne pouvait y avoir rien de commun entre les deux ordres. Nul ne songeait à l'égalité civile et politique. Que la plèbe pût s'élever au niveau du patriciat, cela n'entrait pas plus dans l'esprit du plébéien des premiers siècles que du patricien. Loin donc de réclamer l'égalité des droits et des lois, ces hommes semblent avoir préféré d'abord une séparation complète. Dans Rome, ils ne trouvaient pas de remède à leur souffrance. Ils ne virent qu'un moyen de sortir de leur infériorité, c'était de s'éloigner de Rome. L'historien ancien rend bien leurs pensées quand il leur attribue ce langage. Puisque les patriciens veulent posséder seule la cité, qu'ils en jouissent à leur aise. Pour nous, Rome n'est rien. Nous n'avons là ni foyer, ni sacrifice, ni patrie. Nous ne quittons qu'une ville étrangère. Aucune religion héréditaire ne nous attache à ce lieu. Toute terre nous est bonne. Là où nous trouverons la liberté, là sera notre patrie. Et ils allèrent s'établir sur le mont sacré, en dehors des limites de la guerre Romanus. En présence d'un tel acte, le Sénat fut partagé de sentiments. Les plus ardents des patriciens laissaient revoir que le départ de la plèbe était loin de les affliger. Désormais, les patriciens demeureraient seuls à Rome, avec les clients qui leur étaient encore fidèles. Rome renoncerait à sa grandeur future, mais le patriciat y serait le maître. On n'aurait plus à s'occuper de cette plèbe, à laquelle les règles ordinaires du gouvernement ne pouvaient pas s'appliquer, et qui était un embarras dans la cité. On aurait dû peut-être la chasser en même temps que les rois, puisqu'elle prenait d'elle-même le parti de s'éloigner. On devait la laisser faire et se réjouir. Mais d'autres, moins fidèles aux vieux principes ou plus soucieux de la grandeur romaine, s'affligeaient du départ de la plèbe. Rome perdait la moitié de ses soldats. Qu'allait-elle devenir au milieu des Latins, des Sabins, des Étrusques, tous ennemis? La plèbe avait du bon. Que ne savait-on la faire servir aux intérêts de la cité? Ses sénateurs souhaitaient donc qu'au prix de quelques sacrifices, dont ils ne prévoyaient peut-être que pas toutes les conséquences, on ramena dans la ville ces milliers de bras qui faisaient la force des légions. D'autre part, la plèbe s'aperçut au bout de peu de mois qu'elle ne pouvait pas vivre sur le mont sacré. Elle se procurait bien ce qui était matériellement nécessaire à l'existence, mais tout ce qui fait une société organisée lui manquait. Elle ne pouvait pas fonder là une ville, car elle n'avait pas de prêtre qui eût su accomplir la cérémonie religieuse de la fondation. Elle ne pouvait pas se donner de magistrat, car elle n'avait pas de prytanée régulièrement allumée où un magistrat eut l'occasion de sacrifier. Elle ne pouvait pas trouver le fondement des lois sociales, puisque les seules lois dont l'homme eut alors l'idée dérivaient de la religion patricienne. En un mot, elle n'avait pas en elle les éléments d'une cité. La plèbe vit bien que pour être plus indépendante, elle n'était pas plus heureuse, qu'elle ne formait pas une société plus régulière qu'à Rome, et qu'ainsi le problème, dont la solution lui importait si fort, n'était pas résolu. Il ne lui avait servi de rien de s'éloigner de Rome. Ce n'était pas dans l'isolement du mont sacré qu'elle pouvait trouver les lois et les droits auxquels elle aspirait. Il se trouvait donc que la plèbe et le patricien, n'ayant presque rien de commun, ne pouvaient pourtant pas vivre l'un sans l'autre. Ils se rapprochèrent et conclurent un traité d'alliance. Ce traité paraît avoir été fait dans les mêmes formes que ceux qui terminaient une guerre entre deux peuples différents. Plèbe et patricien n'étaient en effet ni un même peuple, ni une même cité. Par ce traité, le patricien n'accorda pas que la plèbe fît partie de la cité religieuse et politique. Il ne semble même pas que la plèbe l'ait demandé. On convint seulement qu'à l'avenir, la plèbe, constituée en une société à peu près régulière, aurait des chefs tirés de son sein. C'est ici l'origine du tribunat de la plèbe, institution toute nouvelle et qui ne ressemble à rien de ce que les cités avaient connu auparavant.